dans sa merde, ça aurait été l'idéal. La fin parfaite. Une mort de guerrier. Ça t'aurait probablement fait éjaculer. C'est quoi ton problème? T'es accro au crack? T'es accro au crack? T'es accro au crack? Au crack, au crack, au crack, au crack, au crack. propre sang et dans sa merde, ça aurait été l'idéal. La fin parfaite. Une mort de guerrier. Ça t'aurait probablement fait éjaculer.